ça va brousser ce soir. Ah, oh, ça va brousser. Chuchotement, caresse et baiser. Ah, oh, ça va brousser. T-shirt, je ne sais pas, c'est par les gens. J'ai une type de taille diverse envolée. Chaussures roulant sur le lit, la CD. Croquettes de chaussettes parsemées. Yeah.